إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 39 dans les cours de l'explication de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, et on a commencé hier à expliquer Zakat Al-Bahimatul An'am, c'est-à-dire la Zakat qui est par rapport au bétail, et on a expliqué la Zakat et les quantités de Zakat qu'on doit donner pour les chameaux. On a expliqué pour les vaches et on a expliqué pour les moutons et les brebis. Et on complète maintenant donc qu'est-ce qui se passe avec les moutons et les brebis et les chèvres et autres. Les détails qui sont reliés à ce sujet-là. Il y a un point aussi que je voulais clarifier, c'est que hier aussi durant le cours, quand j'ai expliqué la zakat qui a rapport avec les chameaux, et les chamelles, j'ai expliqué qu'est-ce que signifiait Bint Mahad et Bint Laboun et Al-Hibqa ou Al-Jad'a. Et quand j'ai expliqué ça, il m'est arrivé une petite confusion au sujet de ces noms-là. Et j'avais dit que c'était des vaches, qu'on sortait la zakat des chameaux en vaches. Et ça, c'est une erreur, c'est incorrect. Bint Mahad, c'est une chamelle. Et à partir de 25 jusqu'à 35, on donne une Bint Mahad, et c'est celle qui est dans la première année, qui a fini la première année, puis qui est rentrée dans sa deuxième année. Et Bint Laboun, c'est de 36 à 45 chameaux. Lorsque tu as de 36 à 45, tu donnes une Bint Laboun. Et c'est celle qui a fini ses deux premières années, puis qui est rentrée dans la troisième. Al-Hibqa, c'est de 46 chamelles ou chameaux jusqu'à 60. Là, tu donnes une Hibqa, et c'est celle qui a terminé ses trois premières années et qui est rentrée dans la quatrième. Et de 61 à 75, tu donnes une Jad'a. Et une jad'a, c'est celle qui commence à perdre ses dents parmi les chamelles. Et donc, c'est celle qui a complété 4 ans et qui rentre dans la 5e. Donc, ça, c'est les différentes catégories d'années qu'on donne pour différents nombres de chameaux qu'on possède. Et c'est en chamelle qu'on les paye, arrivé à partir de 25. Avant 25, c'était en mouton. Si on a 5, on donne 1, si on a 15, si on a 10, on donne 2, si on a 15, on donne 3, si on a 20, on donne 4 moutons ou brebis. Puis après, à partir de 25, ça devient des chameaux. Pour les vaches, on donne des vaches. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Pardon. Maintenant qu'on a clarifié ça, on va continuer donc dans le sujet. Le cheikh, il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: wal ma'khudhu fi sadaqat العدل كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم ولكن من وسط أموالكم تؤخذ المريضة من نصاب كله مراض لأن الزكاة وجبات للمواساة وتكليفه الصحيح عن المراد إجحاف به وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح أو معيبات أو ذكور وإناث ذكور وإناث أخذت نعم أخذت أنثى صغيرة أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه وثم يقوم صغارا كذلك ثم يؤخذ بالقسط وهكذا الأنواع من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20 وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10 فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا أي ما يساوي 15 Bon, on va expliquer ce passage, inshallah. En fait, le cheikh il explique que on doit être juste dans qu'est-ce qu'on fait sortir de la zakat. Ok, et qu'est-ce qu'on prend de la zakat? On doit prendre dans qu'est-ce qui est juste, dans qu'est-ce qui est le juste milieu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, walakin min wasati amwakum. C'est-à-dire dans le juste milieu de vos biens. Qu'est-ce que vous possédez? Et c'est-à-dire que quand on possède un troupeau ou quand on possède des animaux, c'est rare qu'on possède ou que tous nos moutons ou nos chèvres soient toutes de la même catégorie, c'est-à-dire qu'ils soient tous gros, grands et gras, ou bien qu'ils soient tous en bonne santé et sans défaut, etc. Il y a souvent des mélanges. On a des petits, on a des gros, on a des mâles, on a des femelles, on a des malades, on a des en bonne santé. Donc, on a toutes sortes de chameaux, de vaches, de moutons et de brebis. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu dois prendre dans le juste milieu de ces dans ces catégories-là. Supposons que quelqu'un il n'a que des animaux malades. Il n'a que des brebis ou des moutons malades. Et dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de faire sortir la zakat de qu'est-ce qu'il possède. C'est-à-dire, il n'a pas de moutons en santé, donc il sort la zakat de qu'est-ce qu'il possède s'ils ont s'ils sont malades. Et si, par exemple, il n'a que des petits moutons ou des petites brebis, eh bien, il sort de ces petits-là qu'il possède, parce qu'il n'a que ça. Et après, s'il désire donner plus que qu'est-ce qui est obligatoire pour lui, hein, de donner quelque chose de meilleur que qu'est-ce qui est obligatoire pour lui, dans ce cas-là, comme on a expliqué hier, c'est qu'il aura plus de mérite et plus de récompense de en ayant fait une chose pareille. Et aussi, si par exemple, comme j'ai dit, il a des moutons et des brebis qui sont de grosseur différente et de qualité différente, comme il en a qui sont en bonne santé et d'autres qui ont des défauts, ou il a des mâles et des femelles, on sait que les mâles et les femelles, ils n'ont pas la même valeur. La femelle, elle a beaucoup plus de valeur dans les moutons et dans les chamelles et dans les vaches que le mâle, parce qu'elle donne du lait et elle enfante, donc elle a beaucoup plus de valeur. Donc, si tout ça s'est mélangé, eh ben, tu vas prendre le cheikh il dit akhadta untha sahiha kabira ala qadr al malayn. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme une sorte de moyenne. Tu regardes entre les deux, qu'est-ce que tu possèdes, et puis tu prends quelque chose qui va être entre les deux. Tu fais la moyenne, puis tu prends entre les deux. Donc c'est un peu ça qu'est-ce qu'il explique. Puis il dit que supposons que tu as différentes catégories. Par exemple, t'as des vaches qui sont en bonne, t'as des moutons qui sont en bonne santé et d'autres qui sont des mâles et des femelles. Si par exemple, on va dire que tu avais le nisar de 20 qui sont en bonne santé et t'as une quantité de 20 qui sont en bonne santé et t'as une quantité de 10 qui sont en bonne santé, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre moitié de celles qui sont en bonne santé et moitié de celles qui sont pas en bonne santé. Tu vas donner, comme par exemple sur les 20, tu vas donner 10 et sur les 10 qui sont malades, tu vas donner 5. Comme ça, ça fait moitié-moitié. Hein? Tu vas pas juste donner tes moutons qui sont en mauvaise santé, qui sont pas en bonne santé, et tu vas garder les bonnes seulement. Ou bien tu vas pas donner juste les bonnes puis garder celles qui sont en mauvaise santé. Donc tu vas donner moitié de celles-là, moitié de celles-là. Comme ça, c'est le juste milieu. Et le cheikh dit: wa min mabahith zakat al-mashiya ma'rifatu hukm al-khilta fiha بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان: النوع الأول خلطة الأعيان بأن يكون المال مشتركا ومشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. والنوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا ولكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخطة بنوعها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. Le cheikh il dit que parmi les catégories ou parmi les questions ou les points qui ont rapport avec la zakat des moutons et des al-mashia, les bêtes qu'on fait pâtre et qu'on amène au pâturage pour faire brouter, eh ben parmi les questions qui ont rapport à ça, c'est les questions qui ont rapport avec les biens qui sont mélangés. Hein? C'est-à-dire que supposons qu'il y a plusieurs propriétaires qui sont réunis, qui possèdent un troupeau. C'est-à-dire deux personnes possèdent des animaux dans un troupeau qui est ensemble, qui est commun, okay? Qui est mélangé. Okay, donc quand ça peut être deux personnes, ça peut être plus que deux personnes aussi. Ils peuvent être 10 personnes qui ont un grand troupeau, puis chacune de ces 10 personnes-là possède une proportion spécifique de ce troupeau-là. Donc le cheikh il explique qu'il y a deux catégories de khulta, c'est-à-dire il y a deux catégories de mélange en ce qui concerne les animaux et les troupeaux qui sont mélangés. La première catégorie de mélange, c'est khultatul a'yan, c'est-à-dire que le bien est commun. Hein, il y a un troupeau qui appartient à plusieurs personnes et on n'est pas capable de distinguer un troupeau d'un autre parce que ils sont tous pareils, les bêtes sont tous pareils. Parce que des fois, si on est capable, comme on va le voir après dans la deuxième catégorie de khulta, la première catégorie, on ne peut pas les distinguer parce qu'ils sont tous pareils. Puis ils sont tous mélangés, mais ils ont divisé le troupeau par proportion. C'est-à-dire, un propriétaire il dit: moi, j'ai la moitié de ce troupeau-là est à moi, puis un quart appartient à une autre personne, etc. Donc ils ont divisé le troupeau en proportion et non pas par caractéristique ou par catégorie, par on peut pas reconnaître les bêtes, mais on l'a divisé par proportion, comme pourcentage par exemple. Bon, tu dis 50% de ce troupeau-là est à moi, et toi tu possèdes un quart de ce troupeau, ou bien disons 25%, etc. Donc ça c'est la première catégorie, khultatu a'yan. La deuxième catégorie, an-naw' ath-thani, khultatu awsaf. C'est بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا ولكنهما متجاوران. C'est-à-dire que deux personnes sont propriétaires d'un troupeau qui est ensemble, mais chacun, par exemple, deux personnes. Une personne, il a des moutons qui sont mélangés avec d'autres moutons, mais ces moutons à lui sont tous noirs, tandis que les moutons de l'autre sont tous blancs. Alors, il va dire, bon, les noirs sont à moi, les blancs sont à toi, puis là, on peut les distinguer. D'accord? Ceux-là sont mélangés, mais on est capable de les distinguer en les voyant. La seule chose, c'est qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire, le troupeau, il est mélangé ensemble, même si on est capable de les distinguer. Dans ce cas-là, le cheikh dit, وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْخُلْطَتَيْنِ تُؤَثِّرُ. Donc, ces deux catégories de mélange-là, elles ont un effet sur la zakat, dans l'obligation de la zakat, ou dans le fait que ça tombe, c'est-à-dire que ce ne soit pas obligatoire pour quelqu'un, ou que ce soit plus gros ou moins gros comme zakat, etc. Parce que le fait que les deux troupeaux ou les personnes qui possèdent les troupeaux soient mélangés ensemble, ça a un effet sur la quantité. Et donc si ça a un effet sur la quantité, eh bien ça va avoir un effet sur la proportion de zakat qu'on doit payer sur ce troupeau-là. Donc on va voir comment ça fonctionne et c'est quoi les conditions pour que on puisse considérer que le bien qui est mélangé soit considéré comme un seul bien. Et il y a des conditions. Cheikh il dit al-awwal an yakun majmou' al-majmou' nisaban fa in naqasa an-nisab lam yajib fihi shay lam yajib fihi shay wal maqsoud an yablugh al-majmou' an-nisab ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que première condition, il faut que le total du troupeau, peu importe combien il y a de propriétaires, il faut que le total des bêtes qui sont dans ce troupeau là qui est partagé ait atteint la quantité minimum du nisab. Donc le cheikh il dit que si c'est moins que le nisab, si c'est moins que le minimum obligatoire pour commencer à payer de la zakat, dans ce cas-là c'est pas obligatoire de payer la zakat, bien entendu. والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب. Même si par exemple si chacun des propriétaires disait moi je prends mes moutons et toi tu prends tes moutons, puis chacun de nous on calcule. Mais si chacun d'eux sépare leur troupeau au moment de la zakat, peut-être que séparément, aucun des deux arrive au nombre de moutons nécessaires pour payer la zakat. C'est-à-dire aucun d'entre eux n'a le nisab individuellement. Toutefois, lorsque leur bien est réuni, ça atteint le montant du nisab. Dans ce cas-là, hein, comme on a dit, on regarde pas le montant qui est, on regarde pas les troupeaux ou la quantité qui appartient à chaque individu de ces troupeaux-là qui sont mélangés, mais on regarde le troupeau en entier. D'accord? Et donc c'est ça ce qu'on est en train d'expliquer. C'est quoi les conditions pour que on considère ce troupeau-là et qu'on prenne la zakat comme un troupeau unique, hein? Donc la première catégorie, c'est que le troupeau en entier ait atteint le montant minimum de la zakat, c'est-à-dire le nisab. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. Le cheikh il dit que la deuxième condition, il faut que les deux personnes qui ont mélangé leurs troupeaux ensemble, les personnes qui ont mélangé leurs troupeaux ensemble, soient parmi les gens pour qui la zakat est obligatoire. Donc si une des personnes qui ont leur bétail, leur troupeau mélangé, est un non-musulman, par exemple, un kafir, donc le fait qu'ils soient ensemble, ça n'a pas d'effet sur la question de zakat. C'est-à-dire que chaque personne, dans ce cas-là, s'il y a deux personnes, un qui est musulman, puis un qui est kafir, et leurs deux biens sont mélangés ensemble, le fait qu'ils soient mélangés ensemble, on ne va pas le considérer, c'est-à-dire dans la zakat. C'est-à-dire on va, au moment de la zakat, séparer les deux troupeaux, puis calculer ce qui revient uniquement à celui qui est musulman, puisque c'est uniquement pour lui que la zakat est obligatoire, tandis que pour le kafir, la zakat n'est pas obligatoire. Et donc, on ne va pas calculer la zakat, on ne va pas faire sortir la zakat sur le troupeau en entier, mais uniquement sur la proportion du troupeau qui appartient à celui qui est musulman. D'accord ? Donc ça c'est la deuxième condition, il faut que la personne soit parmi les gens qui ont l'obligation de payer la zakat. La troisième condition, الشرط الثالث, أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى. OK. C'est-à-dire que comme le cheikh explique, il dit il faut que les deux personnes, les deux biens soient ensemble dans Al-Mirah, c'est-à-dire qu'ils soient ensemble dans les différentes caractéristiques qu'on va mentionner maintenant. Il y a environ 3 ou 4 caractéristiques que ces troupeaux-là doivent avoir en relation ou en commun. Si une de ces caractéristiques-là n'est pas présente, on ne va pas calculer les deux troupeaux comme étant un seul. D'accord? Donc, il faut qu'ils soient ensemble dans Al-Mabit, c'est-à-dire l'endroit où ils demeurent, où ils dorment, et Al-Ma'wa, c'est-à-dire l'endroit où ils vont pâtre, et dans le pâturage doit être le même. On va expliquer. وَيَشْتَرِكَ فِي الْمَسْرَحِ. Donc il faut qu'ils soient ensemble dans Al-Mirah, l'endroit où ils vont pour se reposer et pour dormir ou s'abriter. Donc ils doivent être ensemble là-dedans, sinon ça compte pas, on les considère pas mélangés. Deuxièmement, il faut qu'ils soient ensemble dans Al-Masrah, wa huwa al-makan alladhi tajtami'u fihi litadhhab lil-mar'a. C'est-à-dire que l'endroit où ils vont pâtre dans le champ, ça doit être le même. Ils doivent aller pâtre dans le même champ. C'est-à-dire, quand on sort avec les deux troupeaux qui sont mélangés ensemble, on ne les amène pas séparément. Un troupeau pâtre à une place et l'autre troupeau à une autre place. On les amène ensemble. Deuxième, ou bien l'autre après, c'est « un yashtari kafil mahlab ». وهو موضع الحلب نعم ولو حلب أحد الشريكين أو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. Donc l'endroit où on va extraire le lait de ces bétails là, il faut que ce soit le même pour les deux parties ou les deux proportions du troupeau. Donc si un des deux partenaires prend son troupeau pour aller le faire sortir le lait ou prendre le lait dans un endroit et l'autre partenaire va ailleurs avec sa partie de son troupeau, alors on considère pas ou on prend ça, le fait qu'il soit mélangé n'a pas d'effet. C'est-à-dire on va pas prendre la zakat sur le troupeau au complet. Et l'autre aussi c'est un yashtarika fil fahl بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. Il faut que les deux parties du troupeau soient, disons, accouplées par le même mâle, Il faut que ce soit le même mâle qui accouple les femelles des deux propriétaires. Ok? Ça, c'est une autre condition. Et aussi, un yashtarika fi mar'a. بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد فإن اختلف المرعى فروعي أو فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم يؤثر الخلطة. Donc c'est ça, il faut que les deux propriétaires aillent faire manger et brouter leurs bêtes à la même place ensemble, et non pas chacun des propriétaires qui amène son troupeau à un autre endroit différent. Donc ça, c'est quand il y a deux propriétaires qui sont partenaires dans un grand troupeau. Donc ça, c'est les règles que ça doit respecter. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد لقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين بين مجتمع خشية الصدقة ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وحسنه الترمذي. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit donc que lorsque ces conditions-là sont respectées, alors on considère que les deux biens qui sont mélangés ensemble ne sont que comme un seul bien. Hein, on considère que ce troupeau-là, c'est comme un seul troupeau, même si il y a plus qu'une personne qui en est propriétaire. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée dans un hadith de, selon Suwayd ibn Rafla, par Abu Dawud et An-Nasa'i et Ibn Majah, il est rapporté selon Ibn Omar par Tirmidhi, et Al-Bukhari, il a rapporté la première partie dans le hadith de Abu Bakr qu'on a mentionné hier dans le chapitre de la zakat. Et ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on ne doit pas réunir entre deux troupeaux séparés, et on ne doit pas séparer entre deux troupeaux qui sont réunis par crainte de payer la zakat. Donc qu'est-ce qui est mélangé, hein? Donc on fait sortir la zakat de ces troupeaux-là, puis ensuite par la suite il y aura c'est-à-dire ils vont faire sortir la zakat, puis ils vont, les deux propriétaires, se rembourser la différence de qu'est-ce qu'ils ont sorti individuellement. Je vais vous expliquer l'exemple de ça. Par exemple, supposons que lorsque deux troupeaux sont mélangés ensemble, une personne possède, disons, comme le cheikh, il donne des exemples. Donc, je vais lire l'exemple du cheikh, comme ça je vais vous expliquer par la suite, vous allez comprendre plus facilement. Le cheikh dit: فَلَوْ كَانَ الْإِنسَانِ لِإِنسَانِ شَاتْ وَلِآخَرْ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ أَوْ كَانَ لِأَرْبَعِينَ رَجُلًا أَرْبَعُونَ شَاتْ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ شَاتْ اشْتَرَكَ حَوْلًا تَامًا مَعَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ التي ذكرنا فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. Donc le cheikh il donne deux exemples. Il dit supposons que une personne possède un mouton ou une brebis et l'autre en possède 39. Ou bien 40 personnes possèdent chacun d'entre eux possède une brebis et ils les mettent ensemble pendant un an, donc ça fait al-hawl, ça fait un an total, et les conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure sont respectées. فَعَلَيْهِمْ شَاتٌ وَاحِدًا عَلَى حَسَبِ مُلْكِهِمْ. Donc ils ont tous à payer ou à donner comme zakat une brebis, parce qu'on a expliqué que lorsque tu as 40, c'est le minimum du nisab pour payer la zakat sur les brebis. Donc, supposons que comme on a dit, une personne en a une et l'autre en a 39, ou 40 personnes sont réunies, chacun en a une brebis, hein, donc ça fait 40, Donc, comment ils vont faire pour diviser leur zakat, puisque ils sont pas tous, disons, propriétaires. Ils sont propriétaires, comme dans le premier exemple, un il en possède une et l'autre 39. Donc, quand ils vont faire sortir la zakat, c'est-à-dire de donner une brebis, comment ils vont diviser ça par la suite? Et lorsque ils sont 40 et que chacun des 40 propriétaires ont une brebis et qu'ils doivent payer une brebis, comment ils vont s'arranger par la suite pour payer la zakat? Ou bien pour, lorsqu'ils ont payé la zakat, comment ils vont s'arranger entre eux? Cheikh dit: fa fil mal al awwal yakunu ala sahib al shat rub'u ushr shat, rub'u ushr shat ala sahib 39 باقيها. وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة ولو كان لثلاثة ولو كان لثلاثة 120 ولكل واحد 40 فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. Ok. Ok. Donc, le premier exemple, le chef il dit dans le premier cas, la personne qui possède une seule chèvre, elle doit donner rub'un ushr. Ok. La personne la personne qui possède une seule chèvre, hein, dans le premier exemple, parce que le premier exemple, il en possède une, l'autre en a 39. Donc, la personne qui en possède juste une, elle, elle doit faire sortir le quart d'un dixième d'une chèvre, d'une brebis, pardon. Le quart d'un dixième d'une brebis. Et l'autre qui en possède 39, il doit donner le reste. Okay. Et dans le deuxième exemple, chacun d'entre eux, ils possèdent une brebis, hein, puis ils sont 40. Donc, chacun d'entre eux doit donner le quart d'un dixième d'une chèvre. Ok. Et donc, c'est ça. Chacun d'entre eux, l'obligation pour eux, c'est de donner le quart d'un dixième d'une brebis, pardon, d'une brebis. Parce que, bien entendu, ils doivent faire sortir une seule brebis, mais bien entendu, étant donné que chacun d'entre eux est propriétaire d'une de ces brebis-là, eh ben, ils s'arrangent entre eux. Le cheikh, il dit, on va dire que trois personnes possèdent 120 brebis. Donc, chacun d'entre eux en a 40, ok. Alors chacun d'entre eux doit donner une brebis, ok, ou un chatan wahida athlatan, parce qu'ils ont tous 40, donc ça fait 120, et donc ils ont tous chacun un nisab qu'ils ont atteint, donc ils doivent donner, lui doit donner un, ça fait 3. Donc ils les sortent. Mais quand c'est pas égal comme ça, là ils font sortir un, puis ils se remboursent entre eux les différences. كما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. إذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه. ولا يتعلق له بالآخر ولا تعلق له بالآخر فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه فلا يضم كل قسم إلى الآخر وهذا قول الإمام أحمد وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا وهذا هو الراجح والله أعلم. Ici on voit le cheikh, il dit que il y a une distinction par rapport au madhhab de l'imam Ahmad en ce qui concerne le bien d'une personne, d'un seul propriétaire qui possèdent des troupeaux qui sont séparés. Okay? C'est-à-dire que l'imam Ahmed, lui, il considère que si par exemple une personne possède un des troupeaux qui sont séparés, et la distance qui les sépare, c'est plus grand que la distance à laquelle on a le droit de commencer à raccourcir notre prière, lui, l'imam Ahmed, il considérait que chacun de ces troupeaux-là qui sont séparés est individuel. C'est-à-dire que tu ne dois pas calculer la zakat pour tout le total de ces troupeaux-là qui sont séparés, mais pour lui, tu dois calculer chaque troupeau séparé individuellement et sortir la zakat selon les différents troupeaux. Et ça, c'est la parole de l'imam, ou la position ou l'opinion de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et le cheikh Al-Fawzan dit toutefois, les autres ulama, Malik, Shafi'i et Abu Hanifa et les autres ulama, eux, ils considèrent que le fait qu'ils soient séparés, du moment que c'est un troupeau, un bien, ou de disons du bétail qui appartient à un seul propriétaire, on les calcule et on les additionne ensemble. On considère pas que c'est différents troupeaux, même s'ils sont séparés par une distance. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit que cette position-là, la position du Jumhur, la position des autres ulama, c'est elle qui est correcte, c'est elle qui est meilleure par rapport aux preuves. Wallahu a'lam. Et donc, on voit un exemple ici que malgré que le cheikh Al-Fawzan, il est Hanbali, mais lorsqu'il a étudié cette question-là, il a considéré que l'opinion de l'imam Ahmed était incorrecte sur cette question-là, puis que la position du Jumhur était plus valable. Donc on voit que c'est pas quelqu'un qui suit aveuglément le madhab, mais qui retourne à la preuve et aux arguments, puis qui prend la vérité, même si elle est en dehors de son madhab. Donc, alhamdulillah, ça c'est la façon des ulama qui suivent la compréhension des salafs. Ils ne s'aveuglent pas et ils ne suivent pas fanatiquement une école ou une pensée ou un cheikh sans voir les références et la preuve. D'accord, donc, juste un instant là, juste voir quelque chose, ok. Donc, après, il y a un autre chapitre. Et c'est le chapitre de la zakat. En ce qui a rapport à les grains, les fruits, le miel, et les métaux précieux et les trésors enfouis. Donc ça, c'est ce chapitre-là, il traite de ça. Est-ce qu'on commence un petit peu de ça? Ouais, on commence ce chapitre, Inch'Allah, pour en commencer une partie. Peut-être qu'on ne peut pas terminer tout. Mais peut-être on va expliquer le début, Inch'Allah. Cheikh dit bab fi zakat al hubub wa al thimar wa al asal wa al mi'dan wa al ma'din wa al rikaz. C'est-à-dire al hubub. Al hubub, c'est les grains, les céréales, les grains, les trucs de ce genre. Al thimar, c'est les fruits. Al asal, c'est le miel. Les métaux qui sont enfouis dans la terre, les métaux précieux. Et al-rikaz, c'est les trésors enfouis, al-rikaz. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ça c'est le verset 267 dans sourate al-Baqarah. والزكاة تسمى نفقة كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يخرجون زكاتها. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset qu'il a mentionné, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, faites sortir, anfiqou, donnez en nafaqa, en sadaqa, faites sortir des biens que vous avez acquis, que vous avez gagné, et aussi de ce qu'on a fait sortir pour vous de la terre. Donc ça, c'est la preuve pour ces formes de zakat-là. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle la zakat par le terme nafaqa, ok, aussi nafaka. Donc il donne l'exemple dans le verset 34 dans sourate At-Tawba, et ceux qui trésorisent, hein, qui accumulent l'or et l'argent et l'or et l'argent, et qui ne la donnent pas ou qui ne la dépensent pas fi sabilillah. Ici, le cheikh il dit que yunfiqunaha, ça veut dire qu'ils ne font pas sortir la zakat de ces biens-là. Donc ceux qui trésorisent l'argent, c'est ceux qui ne font pas sortir la zakat obligatoire de l'argent qu'ils possèdent, que ce soit l'or et l'argent ou autre, hein, même l'argent de papier qu'on utilise aujourd'hui. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والدخن أو الميله نعم وسائر الحبوب قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوساق أي ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر رواه البخاري وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر ولا تجب الزكاة فيما يبلغ فيما لا يبلغ أو إلا لا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة والوسق ستون نصابا صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره أربع حسنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. OK. Le cheikh maintenant il dit que ça a été prouvé, hein, par la sunna d'une façon très claire que c'est obligatoire de faire sortir la zakat pour les grains, pour les fruits, et aussi il y a eu la clarification de la quantité, de la proportion qu'on doit faire sortir de ces biens-là et de ces choses-là. Et les musulmans ont un consensus là-dessus, que c'est obligatoire en ce qui concerne al-bur ou al-sha'ir, les différentes formes de grains comme l'orge, le blé, l'avoine, at-tamar, les dattes et les raisins secs, hein. Donc le cheikh dit que c'est obligatoire pour les grains, toutes les formes de grains, que ce soit le blé, l'orge, le riz, le millet ou n'importe quelle autre forme de grain, hein. Et le cheikh il dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite qui est rapporté selon Muslim dans le hadith d'Abu Saïd et également à la base qui est dans Al-Bukhari également. Et ce hadith-là, ça dit, il n'y a pas de sadaqa, c'est-à-dire il n'y a pas de zakat pour qu'est-ce qui est moins que 5 awsaq de blé, de grains ou de dattes. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en bas de 5 awsaq, hein, il n'y a pas de zakat à payer. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie awsaq. Dans pas grand temps, on va expliquer la définition. Après, il mentionne un autre hadith aussi qui dit, qui est rapporté par Al-Bukhari et qui est rapporté selon Ibn Umar, et ça dit فِيمَا سَقَتِ السَّمَا وَالْعُيُونَ أَوْ كَانَ عُثْرِيًا الْعُشُرُ. Qu'est-ce qui a été arrosé par le ciel et par les ruisseaux, ou qui a une terre qui est abandonnée, alors on doit donner un dixième de la zakat. D'accord. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. D'accord. Donc, ça veut dire que si tu as moins que 5 awsaq, il n'y a pas de sadaqa, il n'y a pas de zakat à donner. Et pour qu'est-ce qui a été arrosé par le ciel, par les ruisseaux et qui s'abreuvent d'elles-mêmes, c'est-à-dire quand la terre est pas abreuvée du tout, elle est abandonnée, les fruits et les légumes poussent tout seuls, hein, sans qu'il y ait une installation pour arroser le terrain. Dans ce cas-là, il y a un dixième de la zakat qui doit être donnée. Comme on a expliqué le premier cours, quand on a parlé des catégories de zakat par rapport à l'effort et quelle proportion on doit donner par rapport à l'effort. Lorsque le terrain est arrosé par lui-même, tu fais moins d'efforts, donc la quantité de zakat est plus grande. La proportion de zakat que tu dois payer est plus grande que si tu es en train toi-même de l'arroser avec tes propres moyens. On va voir les exemples de ça, inshallah. Cheikh dit ensuite, وَتَجِبُ الزَّكَاتِ فِي الثِّمَارِ كَالتَّمَرْ وَالزَّبِيبِ. C'est obligatoire de payer aussi la zakat sur les fruits, comme les dattes et les raisins secs et les autres fruits de cette catégorie-là. Mais il y a une condition. Il faut que ce soit parmi des fruits qui se pèsent, on les pèse et elles sont conservables. Si on ne peut pas les conserver, eh bien, il n'y a pas de zakat à payer là-dessus. Ça ne fait pas partie des fruits dont on paye la zakat. C'est-à-dire, tous les autres fruits qui sont périssables, il n'y a pas de zakat à payer dessus. À moins qu'ils soient séchés. Ok? Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable de les peser et de les préserver, de les conserver. Sinon, il n'y a pas de zakat à payer dessus. Et voilà, تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب. Et il y a pas de zakat à payer excepté pour qu'est-ce qui a atteint le nisab. Et le nisab, c'est expliqué dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri pour les fruits comme les dattes et les raisins secs. C'est il faut que ce soit plus que 5 awsaq, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est al-wasaq? Le singulier de awsaq, awsaq ou bien awsaq. Eh bien, al-wasaq, c'est quoi? C'est 60 sa'a. La quantité, c'est un sa'a, un sa'a nabawi. C'est un certain volume, ok, de fruits et de dattes, ou de blé, ou de grains, ou de riz, ou autre. C'est un volume, ok? Al-sa'a, c'est un volume. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait à Médine l'utilisation d'un sa'a. Et un sa'a, c'est comme un gros cylindre, ok, un cylindre qu'on remplit de blé, et c'est un cylindre qui est standard, c'est-à-dire la grosseur de ce cylindre-là, il est standard. Ça veut dire que tout le monde possède ce cylindre-là et c'est avec ça qu'il mesure cette quantité-là. Et cette quantité-là, c'est, on l'appelle un sa'a. Donc, pour que la zakat soit obligatoire pour le blé et pour les grains et pour les fruits qui sont préservables, il faut qu'il y ait 60 sa'a. Parce que 5 wasaq ou 5 awsaq, c'est équivalent à 60 sa', ok, 60 volumes de ce cylindre dont j'ai parlé, ok. Donc là, on a fait une approximation de qu'est-ce que vaut un sa', et on a expliqué que le sa', comme le cheikh le dit, c'est équivalent à 4 poignées collées d'un homme disons qui est de grosseur moyenne. C'est-à-dire que tu prends tes deux mains, tu les colles ensemble, puis on va dire que tu prendrais une grosse poignée de blé ou de riz, tu prendrais une poignée de blé ou de riz ou de dattes, et bien cette quantité-là, quand tes deux mains sont collées ensemble, ça c'est équivalent à 4 fois comme ça, 4 poignées comme ça, c'est équivalent à une sa'a. D'accord? Donc, 4 poignées, les deux mains collées comme ça, tu prends soit du riz ou du blé ou des dattes ou autre chose. Mais quand tu as les 4 mains collées, ça équivaut à une sa'a. Donc, quand on vous dit une sa'a, c'est 4 poignées de mains collées d'une grosseur de main qui est moyenne. Et donc, c'est comme le cheikh il dit, 60 sars. Donc 60 sars fois 4, ça fait 4 fois 6, 24. Donc ça veut dire 240 poignées de main, si je ne me trompe pas. Des fois en maths, hein, je suis pourri. Donc 240 poignées de main, comme ça, que deux mains collées que tu rentres, tu dois faire cette quantité-là pour savoir que tu as la quantité minimum à partir duquel tu dois payer la zakat. Donc du moment que tu arrives à cette quantité-là, que tu as cette quantité-là, tu dois donner un dixième de cette quantité. Et comme on avait dit au début du livre de Zakat, un dixième, c'est, bien entendu, c'est 10%. Ok, c'est 10%. Et ça, c'est pas n'importe quand. Ça, c'est quand c'est toi-même qui, quand c'est, t'as des 10%, tu payes 10% quand c'est pas toi qui arrose. Mais quand c'est toi qui l'arrose le champ et tout, que tu fais ton propre installation pour arroser le champ, irriguer le champ et tout, dans ce cas-là, tu payes juste un cinquième au lieu de un dixième. Ok, pardon, c'est pas un cinquième, c'est un vingtième, c'est-à-dire 5%. Oui, c'est ça. Donc si tu l'arroses toi-même, c'est 5%, un vingtième. Mais si tu l'arroses pas, il s'arrose tout seul, soit par la pluie ou par les ruisseaux ou des choses de ce genre, dans ce cas-là, tu vas payer un dixième. Alors, donc ça, c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec le nisab et qu'est-ce qui a rapport avec la quantité que tu dois payer de zakat. On a expliqué le nisab que c'était 5 awsuq, et que al-wasaq, c'est une wasaq, c'est 60 sars. Donc comme j'avais dit, là je vais vous expliquer l'explication correcte inshallah, c'est que comme on a expliqué, en bas de 5 sars on donne rien, en bas de 5 awsaq on donne rien, et on a expliqué que al-wasaq c'est 60 sars. Ok, d'accord. Donc 60 sars égal à 1 wasaq. Okay, 60 sars égal à 1 wasaq. Ok, et on a expliqué que une sar est égale à 4 poignées de main. Et on a dit donc que si tu fais 4 fois 60, ça ferait 240. Donc ça fait 240 poignées de main. Ça, c'est pour un wasaq. D'accord? Donc si tu dois avoir 5 wasaq, ça veut dire que tu dois faire 240 poignées de main fois 5. Ok? Donc là, 240 fois 5, ça va vous donner la valeur que tu dois payer de zakat. Pour que ce soit le minimum, c'est-à-dire le nisab à partir la quantité à partir de laquelle tu dois commencer à payer de la zakat. Donc je vais juste faire le calcul avec la calculatrice, parce que calcul mental c'est pas ma force. 240 fois 5 égale 1200 poignées de main. Donc si vous n'avez pas de moyens pour calculer autre que vos mains, alors là ça va être beaucoup de travail. Donc à partir de 1200 poignées de main collées, hein, là ça c'est le montant minimum à partir duquel vous devez commencer à dire ok, là c'est obligatoire de payer la zakat. Et sur ce 1200 poignées de main là, tu donnes un dixième si tu ne l'arroses pas. Et si tu l'arroses toi-même, un vingtième. Exactement. Donc là, j'espère que j'ai bien expliqué, Inch'Allah. Et donc, on va continuer l'explication à partir de ce point-là pour qu'on comprenne la suite, Inch'Allah. Le cheikh dit ويشترك في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. Ok, le cheikh il dit qu'il y a comme condition pour que la zakat, on doit, pour qu'on ait l'obligation de payer la zakat dans les grains et les fruits, il faut que tu aies atteint le nisab et que le nisab soit en ta possession au moment où la zakat est obligatoire. Et les signes que le moment de la zakat est devenu obligatoire, c'est quoi? Comme si, étant donné que pour les grains et les fruits, c'est pas, on considère pas une année, parce que l'obligation, c'est lorsque vient le temps de la récolte. Et c'est quoi, comment on sait que c'est le temps de la récolte? C'est lorsque on voit que le fruit, il est mûr, il est prêt à être récolté, et aussi, lorsque le grain il devient dur, lorsque le grain de blé ou autre céréale ou grain il devient dur, là c'est à partir de ce moment-là que la zakat devient obligatoire de le payer. Et donc pour que ce soit obligatoire de payer la zakat sur ces grains-là et sur ces fruits-là, il faut que tu aies le nisab, la quantité minimum, et il faut que ce soit toi le propriétaire de ces, que tu en sois le propriétaire à ce moment-là. Puis on va expliquer les détails de ça. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان بلوغ النصاب على ما سبق بيانه. On a vu que il faut que tu aies le nisab. On a dit que c'était 1200 poignées de main collées, ou bien 60 sa, pas 60 sa, mais plutôt parce que 60 sa c'est un wasaq. Donc 5 fois 60, 5 fois 60, ça fait, 5 fois 6, ça fait 30, et je rajoute 2 zéros, ça va être 3000 si je ne me trompe pas, j'ai pas confiance en ma tête, donc on va faire le calcul, la génération de la calculatrice, hein. Donc, ok, 60 fois 50 égale 3000. Comme j'avais dit, je devrais me faire plus confiance parfois. Bon, c'est lorsque tu as 3000 ça. Pourquoi j'ai dit 3000? C'est pas 3000, c'est 300. Parce que c'est pas 50, c'est 5. 5 ou 5. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est 60 sar fois 5, parce que un wasaq égale à 60 sar. Donc 5 wasaq, c'est équivalent à 300. D'accord? Donc 300 sar ou 1200 poignées de main collées, ou bien 300 sar, ou bien 5 wasaq. 5 wasaq. C'est toutes des mesures différentes. Puis il y en a des ulama aujourd'hui et des shuyukh qui ont fait des études pour donner la valeur de 1200 ou 1200 poignées de main ou 300 sa ou 5 wasaq en grammes. Ils ont fait des calculs pour savoir approximativement qu'est-ce que ça peut équivaloir en grammes. Toutefois, des fois, c'est compliqué, la question des grammes. Quand on parle des grammes par rapport à la zakat, parce que le sa', c'est un volume, comme on a dit. Et un volume d'une date et un volume d'une graine de blé, bien entendu, ça prend un volume, mais le volume d'une date est beaucoup plus gros que le volume d'un grain de riz. Donc, le poids et le volume, c'est pas relié ensemble comme on peut comprendre. Et donc des fois de donner la valeur de la zakat en poids, il y a des différences de point de vue entre les ulama sur ces questions-là. Et c'est pour ça que des fois vous voyez des différences d'opinion entre les ulama en ce qui concerne les quantités en grammes. Le mieux c'est, si tu veux vraiment être, disons, en paix dans tes questions de blé, de ces trucs-là, ben c'est de prendre le volume pour être plus près de la sunna. Naam. Donc, oui, il y a ça, donc. Et puis, donc, première condition, on a dit qu'il faut que ça ait atteint le nisab. Et on a dit que le nisab, c'était 5 wasaq, ou 300 sa', ou 1200 poignées de main. Et, an yakuna mamlukan lahu waqta wujub az-zakat. Il faut que tu le possèdes, il faut que tu sois propriétaire de ces biens-là au moment de l'obligation de la zakat. Falaw malaka an-nisab ba'da dhalik lam tajib alayhi fihi zakat kama law ishtarahu aw akhadahu ujratan li hasadihi aw hasalahu bil luqat. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit, si tu l'as possédé, si tu as possédé le nisab après que le temps de la zakat soit obligatoire, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire de payer la zakat dessus. Comme par exemple, supposons que tu as acheté ces dates-là ou ces grains-là après qu'ils soient devenus bons et qu'ils soient devenus durs, tu es allé l'acheter. La quantité que tu as acheté, c'est la quantité du nisab. Hein, tu l'as acheté, ou bien tu l'as reçu comme salaire pour ta récolte. C'est-à-dire, c'est toi qui es allé les récolter le blé, ou tu es allé récolter les dattes et les raisins ou autres, et on t'a donné une partie de ces récoltes-là en salaire, et ça équivaut à la quantité du nisab. Ou bien tu l'as trouvé, hein, tu l'as trouvé, comme ça, le blé ou le champ. Comme ça, donc tu l'as trouvé, comme ça tu l'as pris. Et dans ce cas-là, tu n'as pas à payer de zakat dessus, parce que tu n'étais pas le propriétaire de ces choses-là au moment où il est devenu obligatoire de payer la zakat dessus. D'accord. القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي أو السقيا. إذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر لما في الصحيح من حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ولمسلم عن جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشور. Naam, donc ça c'est la première explication. Le cheikh il dit, et la proportion qui est obligatoire de prendre ou de payer de zakat sur ces biens là, c'est sur ce nisab là, c'est yani, ou bien sur ce bien là, c'est ça dépend de comment il a été arrosé, comment il a été abreuvé. Si il a été arrosé par lui-même, c'est-à-dire t'as pas travaillé toi pour le faire arroser, il s'est arrosé tout seul, soit parce qu'il y a des ruisseaux qui coulent par là, ou bien soit parce que la pluie tombe dessus, ou bien parce qu'il y a de la terre, il y a de l'eau en dessous du terrain, puis les racines des plantes vont s'abreuver directement dans la terre, que toi tu les arroses pas, dans ce cas-là tu dois donner un dixième, hein, comme on a expliqué tout à l'heure. Tu dois donner un dixième, comme c'est mentionné dans le hadith sahih, qui est rapporté selon Ibn Omar, comme on a dit tout à l'heure. Fima, qu'est-ce qui a été abreuvé par le ciel et par les ruisseaux, ou qu'est-ce qui est une terre abandonnée, c'est-à-dire qui n'est pas abreuvée, que les plantes se nourrissent toutes seules par leurs racines, dans ce cas-là, tu donnes al-ushur, hein, et c'est mentionné aussi dans l'autre hadith selon Jabir. Qu'est-ce qui a été abreuvé par les rivières et par la pluie, tu dois donner al-ushur. Donc ça c'est pour ce qui est de cette question là quand t'as pas fait rien pour l'arroser. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر. Donc en ce qui concerne ce que toi tu as arrosé, tu as travaillé pour le faire arroser, soit à partir de l'eau d'un puits ou autre, dans ce cas-là, tu dois donner la moitié de un dixième. Et la moitié de un dixième, c'est un vingtième. Et c'est 5%. Et un dixième, c'est 10%. Donc ça, c'est 10% de qu'est-ce que tu possèdes de cette récolte, tu dois donner. Si tu l'as pas arrosé toi-même, tu dois donner 10% ou un dixième. Attendez, je me mélange, c'est ça, 10% ou un dixième de la récolte, parce que t'as pas fait beaucoup d'efforts. Mais lorsque tu l'as arrosé toi-même, eh bien là tu dois donner 5% seulement, c'est-à-dire un vingtième, nisf al-ushur, la moitié de un dixième. Ok. Et le cheikh il dit wa nadh. Ah oui, le hadith qui est la preuve de ça, c'est quoi? C'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Umar qui dit wa ma suqiya bin nadh nisf al-ushur. Nisf al-ushur, c'est la moitié d'un dixième, comme on a dit. Quand tu l'as arrosé par al-nadh, et al-nadh, le cheikh il dit as-suqiya bis-sawani لمسلم ولمسلم عن جابر فيما سقي بالثانية نصف العشر. Donc qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as utilisé comme pour faire abreuver ton champ? Tu as utilisé un moulin par exemple pour faire tourner l'eau et pour le faire aller dans le champ. Dans ce cas-là, tu as seulement la moitié d'un dixième à donner, c'est-à-dire un vingtième. Et c'est 5% dans ce cas-là, comme c'est mentionné dans le hadith. Et naam, le hadith il est rapporté par Muslim à propos de As-Siyana, pardon, c'est selon Jabir. Ok. Wa waqtu wujub az-zaka fi al-hubub hina tashtaddu fi al-thumur wa yabdu salahuhu bi an yahmar aw yasfar. فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتر لا على المشتري. Le cheikh il dit, et le moment de l'obligation de la zakat, quand est-ce que la zakat des céréales et des blés, des grains et des fruits devient obligatoire pour les grains, c'est lorsqu'ils commencent à devenir durs. Et pour les fruits, lorsqu'on commence à voir qu'ils deviennent prêts, qu'ils deviennent mûrs. Comme par exemple quand il est devenu rouge ou jaune, selon le fruit. Et donc, le cheikh, il dit, فَلَوْ بَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُشْتَرَى لَا عَلَى الْمُشْتَرَى. Donc, si il a vendu, le propriétaire a vendu ces choses-là, ces grains ou ces fruits, après que les fruits aient atteint cette description-là, ou après que les grains soient devenus durs, ou après que les fruits soient devenus rouges ou jaunes, hein, selon le fruit, dans ce cas-là, la zakat est obligatoire à payer pour le propriétaire et non pas pour celui qui les achète. D'accord? Il paye la zakat, c'est lui qui doit payer la zakat parce qu'il l'a vendu après que le temps de la zakat soit devenu obligatoire. ويلزم إخراج الحب المصفى أي المنقى من الطين والقشر من التبن من التين. En tout cas, le cheikh il dit quoi? Il dit que c'est obligatoire de faire sortir la zakat des grains nettoyés et propres. Hein, ils doivent être purifiés et nettoyés. C'est-à-dire, on doit enlever la pelure et enlever les grains, les trucs comme ça. Comme par exemple aussi les noix et les amandes, les trucs comme ça, ça aussi ça rentre dans qu'est-ce qui se pèse et qu'est-ce qui se préserve, hein, les noix. Donc il faut payer la zakat là-dessus aussi. Et donc il faut le donner déjà prêt, déjà propre. Et wa yu'tabaru ikhraj ath-thumur yabisan, li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara بخرس العنب وزبيبا زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ولا يسمى زبيبا ولا تمرا إلا اليابس. Aussi, il faut faire sortir la zakat des fruits une fois qu'ils sont séchés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prendre les raisins et de les faire tourner en raisin sec. C'est rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi et An-Nasa'i et Ibn Majah, selon Utab ibn Asyad. Ok, et aussi donc on prend la zakat des raisins, on la prend en raisin sec, on la prend une fois qu'ils sont devenus des raisins secs, qu'on appelle zabib en arabe. Et la zakat des dattes, on la prend lorsqu'ils sont devenus secs, hein, parce que la datte, quand on dit tamar en arabe, c'est qu'est-ce qui est devenu sec. Donc c'est ça qu'on considère comme étant une tamar. Sinon, avant qu'ils deviennent secs, on les appelle rotab. Et il y a d'autres noms aussi. Après, le cheikh dit: وَتَجِبُ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ مَنْ مَلَكَهُ أَوْ مِنْ مُلْكِهِ أَوْ مِنَ الْمَوَاتِ كَرُؤُوسِ الْجِبَالِ إِذَا بَلَغَ مَا أَخَذَهُ نِصَابًا وَنِصَابُ الْعَسَلِ 30 صَاعًا وَالصَّاعُ النَّبَوِي بِالصَّاعِ النَّبَوِي وَمِقْدَارُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ. Le cheikh, il dit que c'est obligatoire de payer la zakat du miel lorsqu'il l'a pris de son propriétaire ou bien qu'il l'a pris des endroits qui sont abandonnés, comme par exemple au-dessus des montagnes, hein, lorsque tu trouves des ruches et tout, puis que tu prends le miel et que tu l'as pris et que ça atteint le nisab. Alors dans ce cas-là, tu dois donner la zakat du miel. Et il dit que la zakat pour le miel, c'est 30 sa', c'est-à-dire les sa', on a expliqué tout à l'heure que une sa', c'est 4 poignées de main collées. Donc 4 fois 30 comme ça. Ouais, c'est ça. 30 sa'. 30 sa'. Et chaque sa', c'est 4 poignées de main. Donc ça fait 4 fois 30. Et ça fait 120 poignées de main. Et le cheikh, il dit que la quantité qui est obligatoire de prendre de zakat sur le miel, c'est al-ushr, c'est-à-dire un dixième ou 10%. D'accord, juste un instant. Oui, d'accord. Donc, c'est un dixième, comme on l'a dit. Toutefois, c'est seulement l'imam Ahmed qui considère l'obligation de payer la zakat sur le miel. Les autres ulama, ils n'ont pas pris en considération la zakat sur le miel. Ils considèrent qu'il n'y a aucune zakat à payer sur le miel. Et oui, al-ma'din هو المكان الذي عدن فيه أو عدن فيه شيء من جواهر الأرض فهو مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار فإن كان المعدن أو المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط والنفط والنفط فيجب فيه ربع العشر قيمته ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. Donc, ok. فتجب الزكاة في الركاز وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا. Ça, on va l'expliquer après. Donc aussi, le chef, il dit, il faut payer la zakat pour tout ce qui est de métaux précieux enfouis dans la terre ou des minéraux ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est en dessous de la terre et qu'on utilise et qui est profitable et qui est bénéfique, qui a une valeur. Il faut faire sortir la zakat de ces biens-là. Comme par exemple, يعني فوجبت فيه زكاة كالحبوب والثمار يعني des grains ou des fruits qui sortent de la terre فإن كان المعدن ذهبا et si c'est des biens par exemple si c'est des biens des minéraux ou des métaux qui sont dans la terre si c'est de l'or ou de l'argent dans ce cas-là on fait sortir rub al-ushur hein c'est-à-dire 1/40 ou 2.5% lorsque ça atteint le nisab lorsque ça atteint la quantité du nisab et on va l'expliquer lorsqu'on va arriver à ce moment-là le nisab qu'est-ce que c'est ça équivaut à combien pour zakat اذا بلغ النصاب فاكثر ah oui c'est ça c'est la quantité qu'on doit se faire sortir c'est rub al-ushur c'est-à-dire 1/40 et اذا كان غيرهما et si c'est autre chose que l'or et l'argent comme le kuhl la matière qu'on utilise pour le kuhl ou bien azzernir le cheikh il dit azzernir j'ai cherché dans le dictionnaire c'est écrit arsenic al-kibrit c'est le soufre al-milh c'est le sel al-neft c'est le pétrole donc toutes ces choses là il faut faire sortir le 1/40 de sa valeur en or ou en argent lorsqu'il a atteint le nisab c'est-à-dire 2.5% de cette valeur-là lorsqu'il a atteint le nisab de sa valeur en or et en argent. Après il dit فتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية. Okay. ما وجد مدفونا من أموال أهل الجاهلية من الكفار. سمي ركازا لأنه غيب في الأرض. كما تقول ركزت الرمح يجب فيه الخمس ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه اوكي الشيخ يزي que lorsque tu as trouvé un trésor qui était enfoui et que ça appartenait au kuffar dans des périodes anciennes, pré-islamiques, hein, tu retrouves des trésors comme ça dans la terre, que soit c'est des pirates ou autres qui l'ont enterré, bon, ou d'autres personnes qui tu trouves des choses qui ont été retrouvées des civilisations anciennes, mais dans ce cas-là, tu dois payer de ce trésor-là 1/5. Ok, rikaz, ça veut dire qu'est-ce qui est caché dans la terre, c'est ça que ça veut dire. Et la zakat de ça, c'est 1/5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa fir rikaz al-khumus ». Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira. Donc, on doit donner 1/5 de ces biens-là qui sont enfouis, qui sont trouvés sur la terre. « Wa ya'rifu kawnuhu min amwal al-kuffar bi wujudi alamati al-kuffari alayhi ou ala ba'dihi bi an yujad alayhi asma mulukihim » أو عليه رسم صلبانهم فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده شيخ الزي si tu trouves tes biens des kuffars tu dois payer 1/5 comme on a dit et comment tu vas faire pour savoir que ces biens là ça appartenait aux kuffars c'est lorsque tu trouves dans ces biens, sur ces biens là des signes des kuffars comme par exemple ou sur certains d'entre sur ces biens-là ou certains d'entre eux comme par exemple tu vas trouver des pièces d'or dans la terre et tu vas voir dessus le nom des rois des kuffars ou tu vas voir le dessin par exemple d'une croix ou des trucs de ce genre dans ce cas-là tu dois donner 1/5 de ce trésor-là puis le reste c'est à toi le reste c'est à celui qui l'a trouvé وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين ولم يجد عليه علامة أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة Le cheikh il dit que si tu as trouvé dans la terre un trésor enfoui et que tu trouves sur ces biens-là, sur ces pièces d'or ou des pièces d'argent un signe des musulmans, dans ce cas-là ou bien tu trouves aucun signe du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de signe ni des koufars ni des musulmans, dans ce cas-là, le verdict au sujet de ce trésor-là est le verdict des objets perdus. Hein, on le traite comme des objets perdus, comme on traite les objets perdus dans les pays musulmans. C'est-à-dire il doit être annoncé pendant un an. Et une fois que quelque personne là est venu le réclamer après un an, eh bien, il t'appartient. Ça, c'est les règles à propos de ce qu'on appelle al-luqata. Et on va arriver à ça peut-être plus tard. Il y a un chapitre dans les chapitres qui suivent qui traite de ce sujet-là en détail. Après, le cheikh il dit وَمَا أُخِذَ مِنْ زَكَاتِ الرِّكَازِ فَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمُصْرَفِ الْفَيْءِ. Il dit et qu'est-ce qu'on a trouvé et qu'est-ce qu'on a trouvé des biens enfouis dans la terre, on donne la zakat un cinquième et ce un cinquième là il va être distribué pour les intérêts des musulmans. Qu'est-ce qu'il y a un intérêt pour le bien des musulmans en général, comme al-fay, et al-fay c'est quelque chose qui a rapport à comme par exemple qu'est-ce qui a été pris des koufars contre les koufars avec lesquels il n'y a pas d'entente de paix et qu'il y a la guerre qui est déclarée entre les deux. Donc qu'est-ce qui a été pris dans leur territoire sans combat, c'est considéré comme al-fay et on doit donner un cinquième pour le trésor des musulmans, al-masalih al-muslimin. Donc ça c'est bien entendu quand il n'y a pas d'entente entre les États et qu'il y a une guerre déclarée entre un État et un autre. Donc ça c'est à ce sujet-là, al-fay. Ça c'est la définition des fuqaha, qu'est-ce que ça signifie al-fay. Et donc c'est un cinquième qu'on doit donner de qu'est-ce qui est trouvé dans la terre, puis c'est utilisé pour les biens et les intérêts des musulmans. Ça revient au trésor des musulmans. Et le cheikh il dit wa mimma yajibu wa yatabayyanu lana an al-kharij min al-ard anwa'. Oui, le cheikh Saleh Al-Fawzan il avait expliqué aussi dans les cours qu'il a donné dans l'explication de Bulugh al-Maram, il expliquait que sur le pétrole aussi il y a une zakat qui doit être payée. Si tu trouves par exemple du pétrole dans ta cour, eh bien, tu dois donner une somme, tu dois payer la zakat dessus. Mais le cheikh il dit que si par contre c'est l'État qui s'occupe de ce pétrole-là et que l'État va utiliser les ressources de ce pétrole pour dépenser pour le bien des musulmans, dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat à payer puisqu'il est déjà utilisé pour le bien des musulmans. C'est uniquement lorsque tu trouves ce pétrole dans ta cour ou dans une propriété qui est privée, là la personne à qui ce terrain-là appartient doit payer la zakat de ces biens-là. Donc ça c'est à ce sujet-là. C'est juste un détail en passant. Le cheikh dit wa mimma sabaqa yatabayyanu lana anna al-kharij min al-ard anwa' wa hiya al-hubub wal-thimar wal-ma'adin 'ala ikhtilafiha al-'asal wa ar-rikaz. وكل هذه أنواع داخلة في قوله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. OK. Donc le cheikh dit d'après ce qu'on a expliqué maintenant, on peut comprendre que qu'est-ce qui sort de la terre est de différentes catégories. Le premièrement c'est les grains et les fruits. Deuxièmement, les minéraux et les métaux précieux, toutes catégories confuses. Et le troisième catégorie, c'est le miel. Et quatrième catégorie, c'est arrikaz, c'est-à-dire les trésors enfouis. Et le cheikh il dit, toutes ces catégories-là entrent dans le verset 267 dans Surat al-Baqarah qu'on a mentionné tout à l'heure. Et faites sortir ou dépenser de vos biens que vous avez gagné ou que vous avez acquis et qu'est-ce qu'on a fait et de qu'est-ce qu'on a fait sortir de la terre pour vous. Et l'autre verset, le verset 141 dans sourate Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadihi, c'est-à-dire lors de le jour de la récolte, donner son droit. Et ça c'est pour les fruits et les grains. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة كالزوج والزوج والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان ولا في سائر الخضروات كالبقول والفجل الفجل والثوم والبصل والزجر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة رواه الدارقطني أخرجه بمعناه من حديث عائشة وأنس ومعاذ وطلحة وأخرجه الترمذي من حديث معاذ دونك أبقى سيدي ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوسق صدقة فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة وقال الإمام أحمد وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول أوكي دونك لو شيخ il dit que la zakat est obligatoire uniquement sur qu'est-ce qu'on peut peser et qu'est-ce qu'on préserve et qu'est-ce qu'on peut préserver parmi les grains et les fruits. Et qu'est-ce qu'on ne pèse pas et qu'est-ce qui n'est pas préservable, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de préserver, il n'est pas obligatoire de payer la zakat dessus. Comme par exemple les fruits, comme les bananes, les pommes, les prunes, les coings. Il a mentionné les coings. Je ne connais pas ce fruit-là, mais bon. C-O-I-N-G. Et arroman, c'est les pommes grenades. Et aussi les autres légumes comme les oignons, l'ail, l'oignon, en tout cas les autres fruits comme les albatir, c'est les melons d'eau, et les aubergines, tous les autres légumes, hein, les carottes et autres, on n'a pas de zakat à payer là-dessus parce que c'est pas des biens qui sont préservables, c'est des choses que si tu les laisses quelques jours, ça commence à devenir pourri et donc on ne peut pas payer de zakat là-dessus. Comme c'est mentionné, le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par, selon Ali par l'imam ad-Darqutni, il n'y a pas de sadaqa pour les légumes. Et le même sens de ce hadith-là est rapporté dans un hadith selon Aisha et Mu'adh ibn Jabal et Talha. Et aussi, c'est rapporté dans un hadith de l'imam al-Tirmidhi, selon Mu'adh ibn Jabal. Et le cheikh, il dit qu'il y a également un autre hadith qui prouve ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas pour qu'est-ce qui est plus bas que 5 awsuq, il n'y a pas de zakat obligatoire, comme on avait dit tout à l'heure. Et donc, il dit que ça, c'est la preuve que qu'est-ce qu'on ne peut pas peser ou mesurer de cette façon-là, donc il n'y a pas de zakat obligatoire. Et ça prouve que c'est pas obligatoire de faire sortir ou de payer la zakat sur qu'est-ce qui n'est pas pesable ou mesurable ou qu'est-ce qui n'est pas préservable. Et également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les khulafa rachidin radiyallahu anhum, ils n'ont pas fait payer la zakat sur ces légumes là et sur ces choses là alors que ces choses là étaient cultivées à leur époque, ça prouve que ce n'est pas obligatoire de payer la zakat sur ces choses là donc de ne pas payer ou de ne pas demander de zakat sur ces choses là c'est ça ce qui est la sunna qu'on doit suivre. En ce qui concerne les autres fruits comme par exemple les pommes et les fruits comme ça qui sont confits aujourd'hui, ça je peux pas dire, je pense pas qu'il y a de la zakat là dessus. Parce que, comme on a dit, il n'y a pas de zakat sur les fruits en général. Et une fois qu'il a été transformé et coupé, puis séché, ça, Allahu A'lam, il faudrait demander aux ulama là-dessus pour savoir. Mais en général, c'est sur le fruit lui-même, et non pas sur les. Qu'est-ce qu'on a fait avec le fruit par la suite pour le transformer. Donc il faudrait se renseigner là-dessus. Et l'imam Ahmed, lui aussi, il a expliqué que il n'y a pas de zakat sur les légumes, et que excepté, il dit, excepté si on l'utilise comme pour le vendre, on fait de la vente, et que le profit de, ou le prix de ces ventes-là a passé un an, donc on doit payer la zakat sur le prix et non pas sur le légume lui-même. Comme on va en parler de ça lorsqu'on va parler de la zakat pour les biens de commerce qu'on utilise pour faire du commerce. Donc on va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on a terminé la zakat des grains et des fruits, et de, qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce qui est sous la terre. Et le cours ça va être dimanche et lundi, inchallah. Donc dimanche prochain, ça devrait être à 7h, hein, comme on l'avait prévu. Donc inchallah, dimanche prochain, on va commencer zakat al-naqdain, c'est-à-dire zakat de l'or et de l'argent. Et on va expliquer les règles qui ont rapport avec ça, et aussi la zakat pour les bijoux. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, et ça va être ça. Après lundi, peut-être qu'on fera zakat à propos des biens de commerce qu'on utilise pour vendre et tout ça, qu'est-ce qui se passe avec ça aussi, inshallah. Donc on va arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.